Bonjour, moi c'est Étienne Landry. Et moi c'est Joshua Arnaud. Puis on va vous parler de l'histoire d'un jeu vidéo qui s'appelle Halo. Donc ouais, on va commencer par les précurseurs. En gros, c'est comme les créateurs de l'univers, puis c'est eux qui ont créé pas mal tout. Ouais, c'est ça, pas mal tout. Puis genre, il y a comme eu une guerre entre les précurseurs puis les forerunners, puis les forerunners ont tué les précurseurs qui sont comme devenus une espèce de poussière organique ou quelque chose, puis c'est comme devenu les flottes. Puis ça, les flottes, ça va être important plus tard. Fait que c'est une guerre contre deux races aliens, puis c'est ça. Ouais, puis les forerunners, c'est comme des espèces avancées qui ont comme créé des halos pour se défendre contre les flottes. Ils sont comme des parasites, en gros. C'est que dans le fond, les halos, c'est des armes, c'est comme, mettons, une planète, là, mais... Ouais. C'est une planète, genre, en forme d'un anneau, genre. Ouais, puis un anneau, ça peut détruire. Il y en a plusieurs. Genre, une explosion, ça va activer un autre, et tout. Là, ouais, puis les halos peuvent détruire des galaxies entières. Puis c'est pour éradiquer ça. Fait plus tard, beaucoup plus tard, Il y a une nouvelle race alien qui s'appelle les Covenants. C'est plutôt une alliance religieuse puis militaire de plusieurs espèces aliens ensemble. Ils sont dirigés par des prophètes. Ils sont de raison religieuse. Ouais. Les Covenants, eux, ils croient que les halos, les anneaux halos, c'est des reliques sacrées qui mèneront au salut divin, le grand voyage. Et c'est vrai parce que les prophètes, ils veulent juste garder le pouvoir, fait qu'ils montent aux Covenants. Ouais, parce que eux, les prophètes, eux, ils savent que c'est des armes. Donc, ouais. Puis là, en 2502, de la planète Reach, qui est la seconde planète la plus importante de l'humanité après la Terre. Et là, ben, c'est un sort de militaire puis scientifique majeur, là. Fait que c'est super important pour le développement de la race humaine. Ouais. Là, t'as une équipe de Spartans, Noble Team. En gros, des Spartans, c'est des super soldats entraînés depuis l'âge de 6 ans, sont envoyés sur Reach pour investiguer une perte de contact avec une station de relais dans une région montagneuse reculée. Ils pensent que c'est les rebelles qui attaquent. Ils découvrent que c'est les Covenants qui sont sur Reach. Fait. Là, il faut qu'ils s'échappent et qu'ils les tuent. Là. Ouais. Là, t'as plusieurs membres de Noble Team qui se sacrifient pour combattre les Covenants et sauver le Pillar of Autumn. C'est le seul vaisseau humain qui a réussi à s'échapper. T'as genre un membre de la Noble Team qui s'appelle June. C'est le seul qui a survécu. Mais on sait pas qu'est-ce qui s'est passé à lui. Ouais. C'est pas mal une petite partie de l'histoire de Halo, le début. Mm. Si jamais on fait un autre épisode, on va parler du reste. Ouais. Puis là, t'as le Pillar of Autumn qui vont comme trouver le halo. Ils vont essayer d'atterrir dessus, mais c'est les Covenants, ils le sont déjà. Donc là, ils vont comme essayer de se battre et tout. Puis ça va être très serré parce qu'il reste pas au coup du main. Puis là, à un moment donné, ils vont comme découvrir les flottes. Puis là, t'as comme Master Chief qui va essayer de quitter Halo, puis là, il faudra comme qu'il localise le Pillar of Autumn pour détruire le Halo. Master Chief, lui, c'est un des personnages les plus importants. C'est un très Spartan, puis il est genre super, super fort. Très chanceux. Il est très chanceux. Puis en gros, t'as les flottes, c'est peut-être... C'est genre des parasites qui peuvent ressusciter prendre contrôle de des corps. Là, puis ouais. Il y en a partout. Quand les halos ont été créés, c'est vraiment fou parce que les flottes, si jamais ils étaient hors de contrôle, il fallait éradiquer leur monde. Ouais. Mais en gros, donc là, Thomas aussi, il va réussir à se sauver. Puis là, on passe de Halo au jeu vidéo Halo 2. C'est la fond. Dans Halo 2, Master Chief va avoir un upgrade à son armure. En gros, son armure qu'il avait dans Halo 6, c'était un Mjolnir Mark 5. c'était très fort, sauf que là, Halo 2, ça va être un Mjolnir Mark 6. Ça va être encore plus résistant. Puis le shield, il va avoir un bouclier qui serait toujours encore plus résistant. Oui. Donc, il sera genre plus rapidement. C'est bien. Ouais. Là, les Covenants viennent attaquer. Ouais, parce que là, ils sont comme sur la Terre. Là. Ils sont comme sur la dernière bastion de la Terre, là, OK? Mais ils sont dans l'espace. Là, ils sont arrivés, là, ils savaient pas qu'il y avait à avoir les humains sur la Terre parce qu'ils s'étaient pas renseignés. Fait. Ouais. Puis là, ils attaquent la Terre et tout. Puis là, ils vont comme essayer de s'échapper. Là, t'as Master Chief qui va comme les suivre dans un vaisseau avec d'autres personnes. Puis là, il va les suivre parce qu'il y a comme un prophète dans le vaisseau, puis leur but c'est de en tuer un. Hein. Ouais, puis là, il y a un autre personnage, que c'est un des Covenants, c'est un... L'arbitreur. L'arbitreur, c'est le, genre le soldat des prophètes. Les Covenants, ouais, c'est comme... Il représente les prophètes, puis... on voit qu'il éradique des personnes qui croient pas en les prophètes là, mais ouais. finalement c'est finalement ce qu'il disait le hérétique, celui-là qui croyait pas, mais c'était vrai là. Ouais. Puis, c'est pas mal ça pour l'instant. Ouais, puis après ça quand Master Chief il sort du portail par lequel les Covenants étaient partis, ben, il découvre un autre halo, puis il se rend compte que un des prophètes, il veut l'activer, donc il va l'arrêter. Oui, il veut essayer de l'arrêter, mais dans ce halo aussi, on va découvrir le Grave Mine. En gros, c'est comme une espèce de flood, mais c'est comme le boss là aussi. C'est la force, c'est toutes les floods, ils ont comme un seul cerveau ensemble. Ouais, c'est comme ça forme Grave Mine. Ouais, un peu comme une ruche ou un peu une affaire de même. C'est toutes les floods sont très forts. Puis là, t'auras Grave Mine qui va capturer Master Chief et l'arbitreur et qui va leur révéler la vérité sur les halos. Puis là, en gros, t'as les Brutes qui tuent un commandant élite loyal. Les Brutes, c'est comme des espèces de gorilles, mais genre... Ouais. C'est ça. C'est des gorilles aliens, là. Aliens, enfin, un peu. Puis genre, t'as comme Tartarus que lui, il trahit les élites et tout. Là, il y a comme une guerre civile, puis c'est les élites contre les Brutes. Là, Tartarus, lui... Devient leur chef là, des Brutes. Puis genre, c'est ça. Après ça, Tartarus lui veut activer Delta Halo à tout prix pour terminer le grand voyage. Puis Tartarus veut juste dire, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis fait qu'il se met avec les humains et puis il veut l'arrêter. Là. L'arbitreur, lui, il rentre. Il essaie de tuer Tartarus, là, à l'intérieur de Delta Halo, dans le cœur. Puis, le Halo, il est partiellement activé. Ben, le moment où c'est que le Halo est partiellement activé, ben, l'arbitreur, il réussit à tuer Tartarus. Toutes les autres installations Halo sont activées. Parce que le premier halo était partiellement activé, fait que toute la galaxie était en danger. Puis, Master Chief, lui, il retourne sur la Terre avec un vaisseau Covenant, puis c'est ça, il arrive sur la Terre avec une flotte de Covenant massive pour... Puis les Covenants, maintenant, c'est un peu leurs alliés, là. Ouais, puis genre, à la fin, parce que là, c'est comme basé sur un jeu, puis genre, à la fin de Halo 2, t'as comme Master Chief qui va comme... Lord Hood, c'est il est vraiment important, là, c'est comme... Un chef très important, là, c'est comme... Les humains. Il dirige tout, là. Commandant des humains. Ouais, c'est ça. Comme à la fin du jeu, t'auras comme Lord Hood qui va dire à Master Chief... Chief, isolate that signal. Master Chief, You mind telling me what you're doing on that ship? Sir, finishing this fight.